Chers amis, je vous invite tout d'abord à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dans nos précédentes émissions, nous nous sommes arrêtés sur la vie de deux hommes, Abel et Hénoch. Aujourd'hui, nous nous laisserons instruire par l'exemple de Noé, cet homme de foi qui, en construisant son gigantesque navire, a sauvé sa famille du déluge et a préservé ainsi la race humaine tout entière d'une destruction totale. Les chapitres 4 à 6 de la Genèse nous dépeignent l'état de dépravation qui caractérisait l'humanité antédiluvienne. Insouciance, corruption, immoralité, violence, occultisme, bref, toute une série de mots qui découlent toujours de l'oubli de Dieu et de l'incrédulité. Et si l'Esprit de Dieu a voulu que nous connaissions les caractéristiques de cette période, c'est parce qu'elle préfigure en tout les temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a aussi dépeint notre temps. Dans son discours prophétique sur le mont des Oliviers, il l'a comparé au temps de Noé et l'a appelé « les jours du Fils de l'homme ». Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Luc 17, 26 à 27. Dans le passage correspondant de l'évangile selon Matthieu, le texte précise « Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 39. Notre civilisation peut être qualifiée de « post-chrétienne ». C'est l'expression qu'a choisie le docteur Francis Schaeffer, cette sommité du monde évangélique, pour définir notre temps. Les valeurs spirituelles et morales qui ont édifié la société humaine pendant des siècles sont maintenant remises en question. L'érosion progressive des principes chrétiens est la cause majeure des maux qui affligent l'humanité, maux qui entraîneront inévitablement son autodestruction. Et comme à l'époque de Noé, le châtiment divin du déluge fut nécessaire, le jugement devra frapper le monde pour punir les coupables, car Dieu ne permettra pas au mal de toujours prévaloir sur le bien, et il sévira pour sauvegarder ses droits sur le monde. Lisons maintenant ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime au sujet de Noé, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était un homme de foi. Divinement averti par son Dieu du châtiment qui allait survenir, il fut saisi d'une crainte respectueuse. C'est pourquoi Noé s'est mis à prêcher. L'Écriture l'appelle « prédicateur de la justice » de Pierre 2, 5. Mais Noé n'a pas prêché du haut d'une chaire ou d'une estrade. Et il n'a pas prêché pendant une heure le dimanche matin. Il a prêché de l'aube au crépuscule pendant des dizaines d'années. Il a prêché avec ses outils, accomplissant un travail de titan en élevant la plus gigantesque construction de l'époque. Noé devait d'abord cultiver la terre pour en tirer sa nourriture, puis, j'allais dire pendant son temps libre, il a construit un immense bateau dont les dimensions rivalisaient avec celles d'un pétrolier moderne de plus de 50 000 tonnes. Et il devait y avoir bien peu d'ouvriers sur le chantier naval de Noé. 4 tout au plus, si l'on admet que ses 3 fils l'ont aidé dans cette entreprise. Car qui sont ceux qui auraient accepté de lui prêter main forte pour abattre les arbres, équarrir les poutres, ajuster les chevrons ou revêtir les parois de l'arche? Tous les contemporains de Noé étaient incrédules, 1 Pierre 3:20. Ils devaient se moquer de lui et ricaner de son gigantesque navire. Et apparemment, il y avait de quoi. N'avait-il pas eu une idée saugrenue de construire cet immense bateau sur la terre ferme à des centaines de kilomètres de l'océan? Mais Noé continua de prêcher à l'aide de son marteau. Tant par ses paroles que par ses actes, il avertissait les hommes du jugement divin, et au fur et à mesure que la silhouette de l'arche commençait à se dessiner et que l'œuvre prenait forme, Noé se faisait plus incisif, suppliant ses proches de se repentir et de se préparer à entrer dans l'arche avec lui. Vous avez là, chers auditeurs, un parfait exemple de foi. Pendant les années où Noé construisait son arche, rien ne laissait prévoir le déluge. Dans le ciel, aucun signe météorologique particulier. Sur terre, aucune crue exceptionnelle des fleuves. Rien, non rien ne permettait de dire que Noé avait raison de prendre des dispositions pour parer à un cataclysme. Mais le patriarche demeurait inébranlable dans ses convictions. Il savait que le déluge viendrait parce que Dieu le lui avait dit. La foi véritable découle toujours de ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul l'a écrit aux Romains. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi n'est pas un sentiment naturel, elle procède exclusivement de Dieu et nous est communiquée par la lecture de la Bible qui est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, ou si votre foi est encore chancelante, approchez-vous de l'Écriture sainte sans idée préconçue. Demandez dans votre prière que le Saint-Esprit vous conduise dans votre recherche et vous révèle le message divin. Et la foi véritable, qu'il ne faut pas confondre avec la crédulité, naîtra et grandira en vous, elle transformera progressivement votre vie. Par la foi, vous découvrirez en Christ votre Sauveur, et quand vous aurez confessé vos fautes, vous trouverez en lui le pardon de vos péchés. Par la foi, vous apprendrez à vivre dans la certitude de ses promesses et dans l'espérance, que dis-je, dans l'assurance de votre salut éternel. Mais revenons à Noé. Le livre de la Genèse nous dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Genèse 6, 9. Pourquoi l'Écriture dit-elle que Noé était un homme juste? Il n'a pas été qualifié de juste parce qu'il avait travaillé pendant des années pour construire son arche. C'est bien avant qu'il ait entrepris cette tâche immense que Dieu l'avait déclaré juste. Noé fut juste parce qu'il avait eu foi dans les avertissements divins qui lui avaient été transmis. Cette foi seule l'a justifié. Si Hébreux 11, 7 précise qu'il est devenu héritier de la justice, cette justice toute divine ne lui a été imputée par Dieu qu'en réponse à sa foi. Je fais allusion ici à un principe fondamental que le prophète Habacuc a annoncé en 6 mots. Le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 4. Le Nouveau Testament reprend à 3 reprises cette courte phrase. On peut dire qu'au XVIe siècle, ces quelques mots ont bouleversé l'Europe après que Martin Luther en avait découvert toutes les implications dans l'Épître aux Romains. Avec des multitudes de croyants, Noé a été ce juste vivant de sa foi. Nous lisons également de Noé qu'il fut juste et intègre dans son temps. Les qualités de Noé prouvent toute leur valeur à la lumière des temps qui sont les nôtres. S'il a pu donner des démonstrations de justice et d'intégrité au sein d'une génération injuste et corrompue, il est aussi possible aujourd'hui de pratiquer la justice et de demeurer intègre dans l'ambiance d'injustice et de souillure qui caractérise notre dernier quart du XXe siècle. Alors que les hommes oubliaient Dieu, Noé a condamné leur incrédulité en obéissant à Dieu. Nous lisons Genèse 6, 22. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a si bien observé les consignes divines que l'arche qu'il a construite remplissait toutes les conditions pour que Dieu y préserve les représentants de l'humanité et des animaux qu'il voulait épargner. Pendant les 12 mois de la durée du déluge, toutes ces créatures ont été en parfaite sécurité dans l'arche. Dieu a employé la foi et l'obéissance de Noé pour sauver sa propre famille, d'où sont sorties toutes les ethnies, et il a préservé un couple de chaque espèce animale, d'où sont issus tous les mammifères, tous les reptiles, tous les insectes et tous les oiseaux qui ont peuplé la terre depuis lors. Notre monde doit donc beaucoup à la foi de Noé, ce serviteur fidèle qui, divinement averti, a pris à cœur les ordres de Dieu et les a exécutés. Noé a laissé derrière lui un exemple. Son œuvre lui a survécu au point de porter des effets durables qui ont couvert l'histoire et se prolongeront dans l'éternité. Madame, mademoiselle, monsieur, ne voulez-vous pas, à votre tour, suivre les ordres de Dieu? Voulez-vous emboîter le pas sur le chemin de la foi? Comme Noé, vous deviendrez alors l'exécutant des avertissements de Dieu, l'artisan de construction qu'il pourra employer, le moyen de salut de votre famille, le témoin de Jésus-Christ pour ceux qui vous entourent. Et vous serez pour la vie et pour l'éternité l'héritier d'une justice parfaite parce que divine. Sur le plan des valeurs éternelles, qui sont les seules qui comptent en dernier ressort, qu'allez-vous construire? Quelles traces allez-vous laisser derrière vous? Sera-t-il dit de vous ce que nous lisons en Hébreux 11 au sujet de Noé? Divinement averti, saisi d'une crainte respectueuse, il construisit pour sauver sa famille. Il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Que Dieu vous convainque de l'importance d'un tel programme de vie et qu'il vous bénisse richement dans sa réalisation.